je t'ai laissé derrière moi. Adieu ma petite orpheline. La micaouette me fait la tête. La petite Noé ne veut plus me parler. La micao, ma micao. La petite Ramel m'est infidèle. Monsieur Hannibal me mine le moral. Mamselle, le son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète. Mamselle Jibi traite. 11 ours, la nouvelle radio des ados. La passe à Corinne. Merci Steven. Tout le monde va bien ? Oui. Voilà, il est 10h et comme chaque mercredi, nous nous retrouvons dans le studio de Radio Gemozo. Comme l'a si bien dit Steven, pour une nouvelle émission des ados. Alors aujourd'hui, nous avons de nouveau une invitée qui s'appelle Sandrine. Voilà. Sandrine va bien ? Sandrine va bien, bonjour. Voilà. On fait un petit tour de table avant de lancer la chanson mystère. Oui. Alors, qui est là aujourd'hui ? Bonjour, je m'appelle Camille. Christopher. Bonjour Juliana. Et en technique, Zinedine, très sérieux aujourd'hui. Tu es avec qui Zinedine ? Mario. Bien Zinedine, bien. On t'entend pas trop hein, ici, mais bon. Voilà. Alors, si on pouvait passer la chanson mystère qui a été choisie par Sandrine. Et par contre, la dernière fois, c'était quoi ? Je sais plus. C'était quoi ? C'était qui ? Steven. C'était Steven qui l'avait choisi. Tu te rappelles ? Ah oui, je ne sais plus le titre. Eh ben moi non plus. Voilà, eh ben comme ça c'est réglé. Pour le coup, elle sera vraiment mystère. Voilà, personne n'a appelé Marion. Non, tu voilà. Veux que j'oublie. Oui, bon, je ne me rappelais plus non plus, ça ne m'a pas marqué. Eh ben on écoute la nouvelle chanson mystère. Et tout le monde au téléphone au... 03 29 42 62 40 40. Voilà. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. Je finis parfois par tourner. C'était la chanson Mystère. Moi, je mettrais 40-40, j'adore. 100. Christopher, tu as un commentaire à faire, peut-être? Oui, oui, oh, vas-y. La dédicace à Juliana. Tu la dédicaces à Juliana. Partenaire particulier, cherche partenaire. Une fille pas trop timide. C'est ça? C'est le slogan? Ouais. Ouais. Donc, nous avons une invitée. Alors, bien sûr, nous avons des questions. Aïe, aïe, aïe. Préparé en amont vendredi dernier. Alors, on va aller doucement. Hein. Je vois déjà la fusée qui s'active là en face de moi. Christopher. Donc, qui commence? Moi. Ben, Zinedine. Alors, Marion va t'aider, Zinedine. J'ai des maisons. Oui, j'ai une maison. T'es content? Ça te suffit? Non! Tu veux savoir si elle est grosse, si elle est petite? Ah. C'est pas beaucoup, Chandrine. On a tous des chambres, donc ça va. Un garage. Voilà, un jardin. Une maison normale, quoi. Hein? Oui? Ça te va comme réponse? Oui. Oui. Allez, Juliana, vas-y. Quel est ton parcours? Mon parcours professionnel, d'accord. J'ai travaillé pendant 13 ans dans le transport, la logistique. Je m'occupais en fait des chauffeurs. Je leur donnais le travail. Donc j'étais dans un bureau, voilà, derrière un ordinateur. Et je devais leur trouver de la marchandise pour mettre dans les camions. Voilà, en gros. Et puis ensuite, eh ben, j'ai complètement changé pour venir dans le social. Et donc depuis maintenant 6 ans, je travaille dans le social. Donc, je suis aide médico-psychologique. Et puis, depuis quelques temps, j'ai passé la validation des acquis de l'expérience, donc, qui m'ont permis d'obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé. Donc, voilà, petit à petit, je fais mon petit bonhomme de chemin dans le social. Et puis, j'apprends plein de choses. Voilà. Est-ce que ça te va? Voilà, donc on pourrait dire vivement qu'un poste se dégage à l'IME. Vivement qu'un poste se dégage à l'IME, d'ailleurs, si quelqu'un m'entend. Hein. Alors j'ai une épée là au-dessus de la tête, je me sens un peu visée. Hein, parce que peut-être je serai dans que les je vais premières... casser la jambe à Corinne avant la fin de la journée, peut-être. Non. Oui. Voilà, mais pour l'instant, je suis encore à MP et j'attends effectivement qu'un poste se libère pour que je puisse être éducatrice spécialisée. C'est normal. Voilà. Hein, mais chacun diplôme, son tour, ça viendra. Je ne m'inquiète pas. Il faut être patient. Voilà. Donc, est-ce que tu as tout compris, Juliana? Oui. C'est bon? C'est bien? Vas-y, Christopher. Es-tu mariée? Je ne suis pas mariée. Je suis paxée. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un pax? Qui c'est qui a parlé de ça? Il y a pas Benoît. Oui, alors c'est quoi un pax? T'es pas mariée? Oui, bah oui. On a compris. C'est un bout de papier. C'est un bout de papier? Alors, peut-être que Sandrine va vous en dire un peu plus, alors. Hein. C'est quoi un PACS, Sandrine? Alors, PACS, tu passes devant... bah, à l'époque, moi, c'était devant un juge, quand même, donc où tu signifies que tu es en couple avec quelqu'un. Tu signes, effectivement, un papier qui, qui dit que tu es avec telle personne et que tu partages ta vie avec telle personne. Donc c'est pas effectivement un mariage puisque je n'ai pas le même nom que mon conjoint. Donc j'ai gardé mon nom de jeune fille. Corinne, voilà. Comme ma sœur, elle est paxée aussi. Voilà, ouais. Ça se fait beaucoup maintenant. Alors quand tu te sépares, est-ce que tu dois repasser devant le juge ? Bonne question, c'est-à-dire que je ne me la suis pas posée, mais je crois que tu dois juste faire un courrier. Pas sûr que tu doives repasser devant le juge maintenant, parce que ça a changé. Moi, c'était dans les premiers PACS à l'époque. Mmh. Donc je crois que c'est un petit peu plus simplifié maintenant. Donc, mais voilà. Après, j'aimerais bien me marier quand même, hein. Mais bon, pour ça... La bague au doigt. La bague au doigt, ouais. Non, surtout avoir le même nom que mes enfants. J'aimerais bien, mais voilà. Après, c'est pas grave. Je suis très heureuse comme ça aussi. Bon, après, jamais trop tard, hein. Non. Alors, Christopher, ça y est, maintenant, je pense que t'es au top au niveau du PACS. Vas-y, une autre question. Tu sais tout. Vas-y, une autre question. Alors, c'est quoi le PACS? C'est un truc quand t'es pas marié, t'es paxé, quand tu te sépares, c'est un truc comme ça. Mais il faut passer où? Au juge. Voilà, c'est bien. Question. Vas-y. As-tu des enfants? Combien tu en as? Alors oui, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Okay. J'ai une grande fille de 11 ans et demi, Valentine. J'ai un garçon de 8 ans et demi, Timéo. Et puis une petite fille, Clémence, qui a 20 mois. Ok. Voilà. 20 mois, c'est petit. Eh oui. Non, excusez. Ça fait combien d'années, 20 mois? Calcule. 20 mois. Moi, j'en sais rien. Il y a combien de mois dans une année? 30 jours. Oh, c'est dans jours. Une année, il y a combien de mois? Oh, 30 jours, c'est un mois. Donc, il y a 12 mois dans une année. Donc, Clémence, elle a à peu près, on va dire, 18 mois. Un petit peu plus. Voilà, elle n'a pas 2 ans. Elle a 1 an et demi, quoi. Ok ? Oui. Okay. Donc, Valentine ? 11 ans. Ensuite, le garçon ? 8 ans. Comment il s'appelle ? Timéo. Et puis ? La fille ? La petite fille, Clémence. Voilà, il y en a 2 qui suivent. Hein. Alors ? Zinedine, à toi. C'est quoi, c'est l'invisible? Vas-tu à la bibliothèque? Ok. Les papiers? Est-ce que je fais des papiers? Oui. Au travail? Oui. Alors, oui. Je fais des papiers de temps en temps parce que je dois préparer des projets d'activité, donc où on écrit sur le papier les objectifs qu'on met en place pour l'activité. Je fais des papiers aussi pour les bilans, pour après donner aux éducateurs spécialisés, donc pour parler justement de ce qu'on a fait sur l'année avec vous et voir si ça correspond aux objectifs qu'on a fixés. Donc oui, je suis amenée à faire des papiers. Attends, moi j'ai une question. Encore une? Ah, allez, vas-y. Alors, attends, moi, je te pose des questions et pas trop les attendre. Il rigole déjà. Il a mangé un gâteau? Oh là là. Mange des gâteaux. Mais oui, je suis une grosse gourmande. Zinedine, tu veux bien nous regarder, voilà. Zinedine, merci. Je suis une grosse gourmande. 10 paquets par jour. Non, j'ai pas besoin de beaucoup, mais c'est vrai que j'aime bien les gâteaux, j'aime bien le chocolat, petit café. Les bonbons. Ouais, j'aime bien. Bah, vous aimez les gâteaux aussi, vous, hein, vous êtes gourmand. Hein. Oui. Ouais. Oui, alors. Moi, j'ai une question. Oui. Vas-tu à la bibliothèque? Alors, je vais à la médiathèque de Vanier. Donc, c'est là où j'habite. C'est là où il y a ma maison, Zinedine. Donc, je vais à la médiathèque de Vanier. Oui. Parce qu'il y a des jeux et des livres. Donc, c'est sympa. C'est petit, c'est convivial. Donc, j'y vais de temps en temps, oui. Ok. Corinne, j'ai une question. Oui. Que fais-tu à l'IME? Qu'est-ce que je fais à l'IME? Ben, je vous accompagne dans le quotidien. Alors, vous, des fois. Après, je m'occupe aussi des plus petits. Je suis sur le groupe de la SES, donc les 6-12 ans. Donc, on fait des activités quotidiennes pour apprendre à bien grandir, à bien se débrouiller tout seul, à faire le maximum de choses par soi-même. Et puis, voilà, je commence le matin à 8h30. En général, on termine à 16h30. Quelquefois, il y a des réunions après. Mais voilà, tout au long de la journée, j'accompagne les enfants dans leur quotidien. D'accord. Voilà. J'en ai encore une. Non, bah attends, on va changer un petit peu. Stephen. C'est quoi celle-là? C'est une voiture au cinéma. Okay. Ton travail te plaît-il? Alors, mon travail me plaît beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai passé la VAE, parce que je me sens très bien dans ce que je fais. J'ai adoré travailler dans le transport avec les camions. Mais maintenant, j'adore aussi ce que je fais. Je suis contente d'avoir franchi le pas et j'adore venir le matin au travail. C'est un plaisir pour moi d'être avec les enfants au quotidien. Donc, j'aime beaucoup mon travail, oui. Transport, c'est un monde d'hommes, ça, alors, hein? Que des hommes, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça va, tu te sens... Bah, écoute, j'ai commencé quand j'avais 20 ans, donc il a fallu forcément s'imposer face à des hommes qui, eux, travaillaient des fois depuis 15 ans. Et moi, j'arrive, je leur dis, bah, tu vas là, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Donc forcément, il a fallu faire un peu le bonhomme aussi, au final. Donc, mais dans l'ensemble, ils étaient plutôt respectueux et... ça se passait bien, mais après, le travail en... que des hommes, ça reste aussi... Ils ont leurs soucis aussi, oui. Comme quand c'est que des femmes. Enfin, voilà. Donc, au final, que ça soit qu'avec des femmes ou qu'avec des hommes, j'y vois pas grande différence, quoi. Voilà. Camille, fais-tu des sorties? Des sorties? Alors, oui. Oui, je peux aller à des concerts, je peux aller... au cinéma, en balade, donc j'essaye de faire des sorties, je vais aussi courir, marcher avec des copines, je bouge, j'essaye, oui, oui. Est-ce que ça te va? Oui. Oui. Corinne. Oui. J'ai une question. Vas-y. Quelle est ta date de naissance? Alors, je suis née le 22 novembre 79, 1979. 79, okay. Voilà. Le 22 novembre. Ouais, 22. Donc, ça veut dire que je vais avoir quel âge? 25 ans. C'est ça, tout à fait. 25 ans. Donc, voilà. C'était ça. Merci, Christopher. Novembre. C'est très bien. Alors, c'est jeune. Oui. Oui, ça va. Bon, parce que des fois, les remarques... Une question. Vas-tu au cinéma? Alors, comme je disais à Camille, oui, je vais au cinéma. Le dernier film que j'ai été voir, c'est... Avengers. Avec Lady Gaga et Bradley Cooper, Star Is Born. J'ai pleuré. J'ai fait que de pleurer. Mais c'était beau. Fais-tu du basket? Vas-y, l'autre. Fais-tu du basket? Du basket, je suis pas très douée... pour marquer des paniers. Après, s'il y a une partie qui joue, pourquoi pas, je veux bien accompagner, mais non, je vais plus marcher, courir, roller, un petit peu de vélo, mais basket, non, pas trop. Allez-y, hein, je vous laisse. Vas-tu à la piscine? Piscine, oui, quand j'ai le temps. J'y vais plus l'été, quand je suis en vacances avec mes enfants. Donc, oui, la piscine, c'est sympa, j'aime bien. Fais-tu de la cuisine? Zinedine. Fais-tu de la cuisine? Non, non. Okay. Zinedine. Merci, Anna. Merci. Mais couper. Couper les cheveux? Oui. Alors, bah, comme tu peux le voir, j'ai pas les cheveux très longs, donc oui, je me les coupe régulièrement, les cheveux, oui. Alors, est-ce que tu veux savoir si Sandrine se les coupe toute seule ou si elle va chez le coiffeur? C'est ça que tu veux savoir? Oui. Alors, je vais chez le coiffeur, parce que alors là, si je me les coupais toute seule, je sais pas quelle tête j'aurais. Hein. Non, je vais chez le coiffeur. Zinedine, est-ce que tu vas chez le coiffeur, toi? Oui. Oui. Donc. Est-ce que tu es allée chez le coiffeur? Oui. Donc, coupez-moi. T'as coupé deux fois? Ouais. Mais moi, je sais, coupez-moi. Parle dans le micro, Zinedine, parce qu'on n'entend pas grand-chose. Si, moi, je coupe. Ouais. Moi, bon. Un coupe. Stephen. Aimerais-tu changer de métier? Non. Non. Changer de fonction, c'est-à-dire que devenir éducateur spécialisé, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est mon objectif. Mais je souhaite rester dans le milieu dans lequel je suis, dans l'accompagnement des personnes, adultes, enfants. Voilà. Pourquoi pas dans le milieu ouvert, ça c'est sûr, mais en tous les cas, dans ce secteur, je veux rester dans ce secteur. Est-ce que vous verriez Sandrine faire autre chose ? Non. Oui. Oui, alors quoi ? Faites des propositions à Sandrine. Avocate. Policier. Policier. Bon. D'autres idées ? Non. Genre de bowling ? Cheveux, je sais qui coupe les cheveux. Coiffeuse. Ah, bah ça, c'est ce que je voulais faire quand j'étais ado, quand je savais pas trop. Voilà, je voulais faire coiffeuse, institutrice. Mannequin. Oui, bon, bah alors là. Mannequin pour le régime. Un magasin. Je crois pas que ça va être possible. C'est une question. Des mannequins pour le régime. Il faut se rendre à l'évidence quand même. Joueuse de bowling. Pour rien, j'ai une question. Oui. Je peux la dire ? Attends, on n'avait pas fini l'autre, que vous êtes déjà reparti sur autre chose. Donc ? Joueuse de bowling. Coiffeuse, joueuse de bowling, avocate et. C'est tout. Transport de camion. Et bah, attends. C'est tout ? Oui. Ouais. Surveillant pénitentiaire, peut-être, j'aurais bien aimé. Ça aurait les détenus, leur fouetter dessus. Non, ça, on ne fouette pas les détenus. Non, ça a des femmes qui surveilleraient. Oui, c'est vrai, j'aurais été dans le quartier des femmes, ouais. Toi, tu crois que les détenus sont fouettés en prison ? Non, c'est rigole. Bon, ça doit être particulier quand même, hein. Ça doit être particulier, hein, ouais. Mais bon, je pense qu'il y a plein de métiers intéressants, donc après, c'est bien de pouvoir, à mon âge, refaire autre chose, et puis voilà, je pense que c'est important de se donner les moyens en tous les cas et puis d'oser. Donc voilà, pour ça, je suis contente de l'avoir fait. Donc pour l'instant, non, je n'ai pas l'intention de changer de métier. Eh ben, on va faire la première pause avec la chanson de Zinedine. Zinedine est endormie, là. Non. Ah bon. C'était toi qui avais choisi la première chanson. Tu te rappelles ? C'était quoi la chanson ? C'était qui ? Calogero. Nous avons perdu. Calogero. Qui ? Calogero. Répète. Article. Calogero. Ah, tu peux faire des efforts quand Calogero. Tu veux. Allez, on écoute. Je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique, je sens la musique. Je fais l'amour en musique, je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Ça jaillit un peu partout. C'est comme un volcan dans ma tête. Parfois je sais pas pour vous, mais moi ça tempère mes tempêtes. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, Voilà la chanson de Zinedine. Ouh, es-tu là, Zinedine? Oui. Voilà, nous avons retrouvé Zinedine avec le sourire. Pourquoi tu boudes, là? Non. Non. Est-ce que tu es bien en technique? Oui. Ou est-ce que tu préfères être là, dans le studio, avec les copains? Non. Non, ben, dis-moi, tu préfères être en technique ou dans le studio? Là. Là? Ah, tu préfères être là? Oh, ben, je suis étonnée. T'es gentil, hein? Hein? Oui, c'est gentil pour les autres, c'est vrai. En tout cas, très bon choix, Zinedine Calogero. Hein. Bravo. Toi, Sandrine, elle est contente de ta chanson? Moi, j'aime bien. Bon, ben, vous n'avez pas fini vos questions. Allez, Steven. Ton travail est-il dur? Mon travail est-il dur? Alors, quelquefois, oui, parce qu'il y a des jours un petit peu plus compliqués que d'autres avec les enfants. Voilà, il y en a des fois qui peuvent ne pas être bien, qui ne savent pas forcément l'exprimer avec des mots, donc qui peuvent s'avérer violents. Donc, quelquefois, oui, ça peut être compliqué, ça peut être fatigant. Parce que du coup, ça nous demande beaucoup d'énergie pour essayer de calmer les enfants, de les rassurer. Donc, c'est vrai que quelquefois, je rentre à la maison, je peux être épuisée. Donc, effectivement, quelquefois, c'est dur. Mais on a beaucoup de bons moments aussi. Donc, parce qu'un enfant, qu'il soit handicapé ou pas, il apporte beaucoup, beaucoup de choses. Donc... voilà, c'est avec leur mot d'enfant, avec leur expression, toutes leurs choses à eux. Donc, c'est vrai que c'est un métier vraiment riche pour ça. Donc, effectivement, les moments plus durs, on les oublie vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons moments aussi qu'on partage. Donc, voilà, on le sait, ça fait partie du métier. Donc, on fait avec. Voilà. Est-ce que vous pensez, je pars de ta question à Steven, que les éducateurs ont un métier facile? Non, c'est très dur. On a la belle vie. Non. Pour vous, c'est pas facile? Non, c'est pas facile. Sandrine, c'est pas facile tous les jours. Hein, voilà. Et que ce soit des petits comme des grands, hein, parce que les petits ont leurs problèmes, et les grands aussi, même si sur certaines choses, ils ont acquis l'autonomie, ils sont plus à l'aise dans la société, malgré tout, ils ont des problèmes tout au long de leur vie, donc on est là aussi pour ça. Donc effectivement, je crois que chaque éducateur... Quel que soit le groupe, il peut rencontrer des problèmes avec les enfants. Donc voilà. Peut être surpris des fois. Ça fait partie du métier. Après, on fait aussi des formations pour pouvoir vous accompagner le mieux possible et avoir tous les outils nécessaires pour vous aider. Donc voilà. Ça sert à ça aussi. C'est bon, Steven, t'écoutes ce qu'elle te dit? Non, il baille. Super. Pardon de te déranger, hein, Steven. Vas-y, Juliana. Que ferais-tu si tu quittais l'IME? Qu'est-ce que je ferais si je quittais l'IME? Bah, peut-être que ça serait pour travailler peut-être avec des adultes. Parce qu'à l'IME, ça s'arrête à 20 ans. Donc, effectivement, ça serait peut-être pour être dans le milieu des adultes. Dans une autre structure que l'IME. Après, si vraiment je devais quitter, je sais pas, c'est quand je serai en retraite. Changer de public, ouais. Et puis peut-être aussi, voilà, en milieu ouvert. Donc le milieu ouvert, c'est plus aller peut-être dans les familles. Donc avec un accompagnement plus du coup individuel, comme le CESA ou ces choses-là. Donc ouais, je pense que ça, si je venais à quitter l'IME, ça serait pour ça. Voilà. Mais toujours effectivement quand même dans le secteur là, quoi. Là. Bah, c'est bien aussi des fois de pouvoir faire d'autres choses, ouvrir les horizons. Bah, puis surtout que le métier dans lequel on est, il y a quand même pas mal de possibilités. On peut travailler avec pas mal de publics. Dans pas mal de structures, donc effectivement, Après, arrivé à un moment, tu peux être un peu coincé aussi, de par ton âge, tu vois. Oui, tout à fait. Les portes s'ouvrent moins. Mais bon, voilà. Ensuite, allez-y. Vas-y, Juliana. Fais-tu les boutiques? oui, hein. Après, je t'avoue que depuis que j'ai les enfants, forcément, je les fais moins. Hein, parce que, voilà, il y a des priorités. Donc, quand j'étais plus jeune, effectivement, je faisais pas mal les boutiques. Donc là, maintenant, je les fais avec ma fille, avec la grande. Donc, hop, je l'emmène. Et puis, c'est elle qui fait les boutiques. Et puis, moi, je paye à la caisse, quoi. Mais c'est un autre plaisir aussi. Mais je sais me faire plaisir aussi. Oui, je fais les boutiques. J'aime encore bien. Vous aimez, vous aussi, les filles? Oui. Bah oui, Camille, Juliana, tu vas souvent? Quand je vais avec ma sœur. Ouais. Bah voilà. Mais faire les boutiques, ça demande... C'est l'argent. Voilà. Eh oui. Eh oui, ça coûte cher. Tout est de plus en plus cher. Moi, j'aime pas faire les boutiques. Toi, t'aimes pas faire les boutiques? Non. Toi, non plus. Toi, t'arrives tout cru à la maison. Hein? Mon frère Rosine. Les courses. Ouais. Qui choisit tes habits, puis tu dis si Corinne, t'aimes ou pas. Ouais. Frère Rosy, il aime bien les boutiques. Mon fils, il aime bien les boutiques. Mon fils aussi, tu vois, je ramène. Oui, ça, j'aime bien. Ok, c'est bon, je mets. Hop, tranquille. Ouais, les garçons, ils aiment pas trop faire les si, boutiques. Si, mon frère, hein. Il aime bien, en tout cas. Ton frère, il aime bien. Il a quel âge, ton frère? 20 ans. Ah oui. Bah, oui. Pour plaire, hein, aux filles, hein. Ah. Et toi, Christopher? Est-ce que tu vas souvent faire les boutiques? Non. Non, c'est un truc que t'aimes pas ou... Bah, pas de boutique, la vraie, c'est vrai. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'y étais samedi à la Bresse, et si, il y a des boutiques à la Bresse. Il y a des belles choses, hein. Puis il y a le marché, le dimanche. Oh, je vais pas le marché dimanche. Ah bah oui, alors forcément, t'as pas pu voir s'il y avait des... Oui. Le Marseille à côté de la piscine. Si tu sors pas le nez de ton appartement, tu risques pas de voir. Sors le nez, moi, et... Tu sors le nez. Ah bah c'est déjà bien, tu sors le nez. Je cours dehors, hein. Tu vas toujours courir? Ouais. Bah tu pourrais courir avec Sandrine, hein. Ouais, t'es retour du bloc. Allez, ah, chiche. Oui. Tour du bloc. Ah, ouais. On essaiera d'aller un peu plus loin que le bloc, alors, quand même. Ah non, non, non. Oh, je veux bien, ça ne dérange pas. Ok, allez. Bon, bah, poursuivez. Allez. Moi, j'en ai encore. Juliana, vas-y. Pourquoi tu n'es pas là toujours? Pourquoi tu n'es toujours pas à l'IME? Pourquoi des fois je ne suis pas là, voilà, à l'IME? Alors, les lundis, pour l'instant, je ne travaille pas. Donc, ça s'appelle un congé parental. Donc, jusqu'à ce que Clémence elle ait 3 ans, j'ai le droit de prendre un congé parental. Donc moi, j'ai choisi de ne pas venir les lundis. C'est un choix. Donc, et du coup, ça me permet de profiter un petit peu de ma fille qui grandit vite. Donc voilà pourquoi les lundis, je ne suis pas là. Corée. Vous avez compris? Oui. Ouais. Donc ça veut dire que quand Clémence elle aura 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Congé parental. Non. Non. Non, elle reviendra quand elle reviendra à l'IME les lundis. Voilà, c'est ça. Voilà, je retravaillerai à 100%. Pour l'instant, je suis à 80%. Tu me manques, hein. C'est gentil. Mais elle est bien. Ça va être dur, ça. Ça va être dur, c'est dans la logique des choses, quoi. Après, avant, je travaillais à temps plein, donc chaque chose en son temps. Clémence ira à l'école, voilà. Après, si j'étais dans quelque chose que j'aime pas, effectivement, peut-être que ça serait compliqué. Je dirais que les premiers temps, oui, forcément, ça va me faire bizarre, mais non, je pas de problème. Ça me que va. C'est vrai que quand on a des journées difficiles à l'IME, le soir, des fois, ça peut ne pas être simple non plus. On a moins de patience. Ah, ça, c'est vrai. Donc, à la maison, il faut que les enfants soient sages. Hein, parce que, ouais. Alors, ensuite, Christopher. Ah, t'as fausé de ma question. Bah, dis à Juliana qu'elle t'aide. Mais c'est quoi le mot là? Ah. C'est quoi? Oh non, c'est celui-là, c'est en garde. Fais-tu de la cuisine? Je t'avais déjà dit. Fais-tu de la cuisine? Alors, je fais de la cuisine. Ah. La semaine, j'ai pas trop le temps. Ça fait un peu juste, donc c'est plutôt du rapide, on va dire. Boîte de conserve? Alors, pas forcément boîte de concert, mais voilà, pâtes, pommes de terre, enfin des choses assez simples. Et le week-end, j'essaye quand même de cuisiner un petit peu plus, de comme faire ce des soir, petits plats, tu vas faire un des grand tartes. Ce soir, eh ben c'est vrai, t'as raison, demain on travaille pas, mince. Bon bah faut que tu me donnes des idées parce que là j'y avais pas pensé. Vos McDo. Ah, t'as pas une idée, je c'est vite fait comme couscous. Ça. Du couscous. Une tartiflette. Waouh. Eh ben, des crevettes. Tu tout ça. Non, des escargots. Des escargots. Ah. Des raviolis. Ah. Oh, bah raviolis c'est boîte de conserve. Encore plus pire. Des mais couscous, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Paella aussi, ouais, c'est bon. Paella, c'est le couscous en même temps. De la choucroute. Ah, dis donc. Ah, ouais. Pour le soir. Des fajolés. Bien dormi en matière. Ah. Allez hop. Mexicain. Du pot-au-feu. Pot-au-feu. Mexicain. Des bonnes idées. C'est tous des plats familiales, ça, c'est bien. Mexicain. Attends, oui, Camille. Moi, pour poser ma question, attends. Ah. Mexicain. Tu peux baisser le bras, hein. Mexicain. Je vais demander à Sandrine quel est son plat favori. T'aimes bien quoi comme plat préféré? Ah, j'aime bien les beignets de patates. Oh, c'est ah, bon, ah, ça. Ah ouais. Certes, t'adores manger 15. Bon, ceux de ma maman, hein. Je crois que c'est les meilleurs au monde, hein. De toute façon, voilà, c'est obligé. Mais ouais, ouais, j'ai un petit penchant. Les beignets de Brabel. Bah, pareil. Oh, ouais. Ça, c'est ça, en coûte, c'est moi, c'est super. Bon. Radio tu viendras cuisine. M'aider à en cueillir et puis je t'en ferai. Ouais, ouais, vous bon, lui hein. Donnez des recettes en même temps. La recette de quoi? C'est pas pour les cuisines. Des beignets de patates. Ouais, donnez votre recette en direct. Bah, chez vous, non? C'est pas trop compliqué à faire, bah, et oui. C'est trop bon. Même moi, c'est si ma soeur, elle fait les lasagnes maison. Ah, tu nous invites à l'envers, bon. T'as un petit master. Jamais. Ah, mais non. Ça y est, on a perdu Corinne. Du master. Oh que c'est bon. Je t'inviterai peut-être un jour. Ah bah écoute. Oh non Sandrine, mange mexicain. Mexicain. J'aime pas trop mexicain non. Elle est peut-être terroir hein Sandrine. Ah oui oui. Et ma tante elle voilà, fait la paella. Jambon fumé. Et ma tante ce domaine c'est le. Ma tante ce domaine c'est la paella fait maison et son couscous osé. Super. C'est bien. Oui Camille vas-y. Où tu habites? Donc j'habite à Vanier. C'est pas très loin d'ici, c'est pas très loin de l'IME. Mais je sais pas le mot là. Tu vois où c'est Vanier? Corinne. Corinne. Ouais. Elle arrive pas à lire. Je... Où là? La neuf là. Il y a un scooter. C'est une autre question? Oui. Non, il y a deux scooters. Ok. Alors, excuse-moi, j'ai pas du tout entendu votre Camille. Conversation. Vanier. Habite à Vanier. Ah, où habites-tu? Vous êtes... Oui, d'accord. Vas-y, c'est bon. Ah, t'as un scooter. Non, j'ai pas de scooter. J'avais une mobylette quand j'étais adolescente, mais ça m'a pas trop réussi. J'ai roulé sur le chien. J'ai abandonné l'idée, j'ai pris du 4 roues. T'as roulé sur le chien? J'ai roulé sur mon chien, bah oui. C'est de sa faute. Mais il est toujours là, le chien. Enfin, il est toujours là. Il a survécu. Oui, oui, il est resté 3 jours caché parce qu'il s'est demandé ce qui lui arrivait, mais il va bien. Hein. Ah, t'es sans vrai qu'il fonce dessus. Donc, non, la mobylette, j'en ai gardé allez. Quelques marques. C'est très peu pour moi. Et à l'époque, tu sais, nous, c'était mobylette hein, quand j'étais ado. Oui, c'était bah pas oui, trop oui, scooter. Oui. Ouais, c'était plus mobylette. Oh, tu as ouais. Un animal de compagnie. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Inouk. Là, quel âge? C'est quoi la race? Alors, la race, c'est un border collie. C'est les chiens, vous voyez les chiens qui, bah, souvenez-vous l'année dernière quand on était allé à la bergerie. Ah oui, à voir ton, il y avait, ton pote. Voilà, il y avait des, il y avait des chiens qui ramenaient les moutons. Mmh. Donc c'est un chien comme ça que j'ai, voilà. Et il s'appelle comment? Un noir et blanc. Ouais. Il s'appelle comment? Inouk. Il a quel âge? Inouk. 4-5 ans, je... Il est gentil. Très. Oui, oui, il est. C'est pour ça que tu es moulibette? De quoi? Moulibette, quand tu avais fait ton chien avant. Moulibette. Tu lui demandes si elle a roulé sur Inouk, c'est ça? Elle a recommencé. Allez, l'étape 2 recommence. Hop. Bah, puis là, ça serait avec la voiture, donc ça serait moins marrant quand même, je pense. Donc non. Comme le pas. Hein. Donc pas de chat. Pas de chat. Non, c'est bien chez les autres, les chats. Une question? Oui. As-tu un jardin? Alors, j'ai pas de jardin, j'ai juste un petit bout de terre pour mettre des tomates, les tomates que Albin a préparées avec les jeunes de la CIFPRO. Ah, t'as pris une casette entière. Hein? J'ai pris une grosse cagette de tomates. Ah, t'es vu, hein? Ben ouais. Tu vois tout, toi. Ouais, c'était pendant le midi, j'ai vu ma voiture. C'était un mercredi. Oui, on a vu ta voiture. Allez, hop, la cagette. T'as amené ta voiture carrément, monsieur Ballon, heureusement qu'il t'a pas vu. Mais on voyait rien. T'aurais disputé. D'être rentré avec ma voiture dans l'IMA. Oui. Mais si y a des enfants, les petits-enfants, tu vas faire comme les chiens. Ah ouais. Ah non, bah ça va rester. Tu aurais mieux fait de me taire. Des trucs qui marquent, là. Elle a défoncé un chien. Non, elle a roulé. Elle a roulé sur un chien. C'est moi qui ai eu plus de mal que le chien dans l'histoire. Et le chien. Elle a fait un roulé-boulet. Les accidents qui arrivent, ça. Oui. Oh, moi, les bêtes. J'ai pas été assez vigilante comme vous quand vous passez. C'est quoi que vous avez passé? Ouais, c'est cher. Ah oui, vous apprenez ça, regarder ce qui se passe à gauche, à droite, tout ça. Bah, moi, justement, là, j'avais pas fait comme il fallait. Hein. C'est de ma faute. Hein. Peut-être Sandrine avait envie de voir comment il allait réagir le chien. Sandrine, ça lui arrivait avec sa mobilette, ça m'est arrivé en voiture. Hein. Mmh. Un chien. Ah oui. Hey, vous dites même. J'ai vu un ballon passer devant la voiture. Un ballon. Et je pensais vraiment pas qu'il y avait un chien derrière. Malgré que j'ai freiné. Mais. Il va bien. Il va bien. Il est toujours là, le chien. Ah, c'est un chien. Vous avez ça peut aller très vite. Hey, ouais. Vous avez une blague dans le même quartier, vous deux, là. Non, pas du tout. C'était pas du tout le même quartier. Moi, avec mon vélo, moi, j'ai écrasé un chien aussi. Mais ça, voilà. J'ai écrasé mon chien, il était déjà vieux. Bah, mon papa, il va dans les talus exprès pour écraser les chats. Il est pas gentil. Mais bon, allez, on va changer de sujet, là, parce que... J'irai pas dans la voiture, hein, mais on parlait d'accident, talus. Hein, on parlait pas d'autre chose. Alors... Que fais-tu pendant les vacances? Alors, pendant les vacances, eh bien, je m'occupe de mes enfants, je vais à la piscine, je vais me promener, je vais voir ma famille. Je me repose, voilà, tout simplement. Tu fais grâce mat. Je lis des livres, voilà, je m'occupe autour de chez moi. Rien de bien particulier, mais des choses simples. Comme Corinne. Voilà. À quoi faire? À lire des livres. Ah oui, j'aime bien, moi, lire. On a été shopping. Alors, est-ce que tu pars aux grandes vacances, Sandrine? Alors, cette année, non. Je crois pas que je partirai. Je suis partie aux vacances d'avril. Là, je suis partie à Paris. Ah non, je suis pas partie faire la manif. Non. Donc, cet été, c'est pas prévu que je parte. Donc, on verra un peu... Je prévois jamais trop à l'avance en général. Enfin, on prévoit jamais trop à l'avance. On fait un petit peu au feeling. T'as même pas la place. Comme ça vient, comme on a envie, selon le temps. Si vraiment il fait pas beau ici, ben peut-être on bougera. Enfin, parce qu'il y a des choses aussi très bien à faire ici quand il fait beau. Il y a les lacs, il y a la montagne. Donc, tu sais, tu fais une semaine à Paris, ça vaut 15 jours en Bretagne. C'est ça. Tout ça à fait. Ça donc, coûte très cher. Voilà, donc on peut. J'ai été à Paris, Corinne. Oui, plusieurs fois. Jamais été. Moi, j'aime bien aller à la foire de Paris. Des rayages ou aller à Paris? Moi, je suis allée au château de Versailles. Il faisait très beau, c'était magnifique. Toutes les fontaines étaient en eau, donc c'était très beau. Donc voilà, et on se dit qu'à l'époque, le roi, il voyait grand. Donc non, voilà, c'était sympa. Bon. Ma dernière question. Ah, c'est bon. Déjà, tu finis? Monsieur Ballon, tu auras le titre dessus si tu fais mal ton travail. Alors, Monsieur Ballon, chef de service. Alors, me râler dessus, non, parce qu'il fait il dit les choses, mais il ne râle pas. Voilà, il peut très bien dire, bah là, peut-être que ça serait bien de refaire comme ça, ou je vous conseille de faire comme ça. Mais c'est pas un chef qui râle. Voilà, il prend le temps de parler... comme il faut aux employés. En tous les cas, moi, j'ai jamais eu affaire à lui de cette façon-là. Donc, il est plutôt calme, posé. Il prend le temps d'expliquer les choses comme il faut. Donc, voilà. Et il est gentil. Je le trouve il gentil. Il offre le café? Oui. Non, il offre les croissants, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Ah oui. On n'a pas eu croissants, nous. Hein. Oui. Coquine, tu m'en as laissé. Vous étiez comme ça. Non, je vais même pas manger de bonbons. Non, arrêtez. T'as dit t'as eu un croissant. Bah, écoute, oui, parce que vous l'avez vu le matin. C'est pour qui Bah, bah, oui. Comme vous, quand vous avez des anniversaires, vous ramenez des bonbons entre vous et vos copains. Corinne n'a même pas eu l'idée de reprendre quelqu'un à me ramener. Voilà, c'était pareil. Oh, Christopher, tu restes sur des trucs... Ah oui, un peu rancunier. Lundi, Justine avait son anniversaire au collège. Elle a amené des bonbons, tu vois. Alors là, il me dit, oui, Corinne, elle m'a même pas ramené. Alors déjà, lundi, moi, je suis pas au collège. Hein, j'ai du mal, tu vois. Et puis, si Justine n'en a pas donné pour toi, c'est son problème, c'est pas le mien. Donc arrête de toujours chercher. Et t'en as eu ou pas? Oui. T'en as eu? Il en a eu le mardi, Steven. On verra son nuit quand même. J'ai dit merci. Bon. Vous avez entendu la réponse de Sandrine pour Monsieur Ballon et tout ça? Corinne, moi je me rappelle quand j'ai rendu avec Steven, la maman d'Alan, bah Jésabelle, c'était notre ancienne chauffeuse, elle nous a ramené des croissants au con. Oh. Hein. Oh, elle était gentille. Ah, ils nous ont emmené au McDo aussi, non? Oui, on a même mangé. Elle nous a même mangé. On a même mangé McDo avec lui. Croissant avec bonbons, elle. On est toujours gentil, hein. Ouais, ça marche. Hein. On a même mangé McDo avec elle. Ouais. Le midi. On termine là les questions. Camille. J'ai fini moi. Steven, c'est moi, bon. Moi j'ai fini. J'ai fini. Zinedine, elle a encore une. Il est malin. Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai déjà été malade? Alors, des grosses maladies, non. Il y a quelque temps, j'ai eu très mal au dos. Donc, voilà, je fais attention pour ça. Mais pour le reste, voilà, des petits rhumes, des petites choses comme ça. Mais vraiment très malade, non. Moi, ma soeur, elle avait la vraie toux. Elle pouvait même pas se lever. Corinne, t'es malade? Un peu, ouais. C'est à Corinne qu'il fallait poser la question. Sandrine, elle pouvait même pas se lever, elle avait la fièvre. Ouais. Qui c'est ça? Ma soeur, la vraie toux, quand on était chez elle, qu'on s'occupait d'elle. Ouais, c'est pas cool, ça. Bah voilà, moi, quand j'ai eu mal au dos, c'était un petit peu ça. J'étais vraiment couchée, on s'occupait de moi. Mais sinon, non, ça va. Allez, on fait une autre pause. Avec la chanson de... Mais Corinne, s'il te plaît. Christopher, oui. Mon précieux. Oui. C'est pour Juliana. C'est pour Juliana. Ben dis-lui. Non, j'attends, j'attendrai la musique pour la dédicacer. Douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby. Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus de toboggan. Faire jouer avec toi, baby. Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages. avez 39 nouvelles demandes d'amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois. Votre vie est digitale. LOL. LOL. LOL. LOL. Vous pourriez peut-être faire une émission là. Ah oui, oui. Spécial soprano. Comment ça s'appelle? Mon précieux. Non. Soprano. Soprano. L'émission là où il faut chanter les paroles là. Je sais pas moi. N'oubliez pas les paroles. Hein? Non, rien. Ah oui, je regarde ça là deux. Ah bah. J'aime bien. Avec Nagui. Et on fait la pub là. Ah oui, j'adore, moi aussi. Mais je me dis, voilà, bon bref. Alors, attends, une dédicace à faire, ça veut dire. Ah oui, t'as une dédicace à faire. Bah vas-y, excuse-moi. C'est la dédicace à Juliana. Tu dédicaces la chanson là? Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est une arme. Bah, tu le fais en direct bah, oui. Là. Tu sais, tu me dis devant plein de gens. Alors, pourquoi tu dédicaces cette chanson? Dédicace à Juliana. Non, mais elle est là, Juliana, c'est pas moi. Bah dis-lui. Je sais, moi. Juliana, tu penses qu'il te la dédicace, pourquoi? Faisons ces sujets maintenant, ces énormes là. Moi je sais. On attend, on attend, on n'est pas pressé. Hein. Mais sans être sûr. Bah, tu peux lui dire que je lui dédicace quand même. La dédicace à Juliana. Je te la dédicace. La dédicace à Juliana. Voilà, merci Christophe. Merci Christophe. Alors il nous reste pas beaucoup de temps, hein. 5 minutes. Vas-y, pose tes questions. Mais t'as dit Corinne, mais t'as dit on laisse, de sujet. On laisse la parole à Sandrine. Oui, oui, bah attends, j'ai une petite question moi, Sandrine. La dame. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton travail, Sandrine? Ce qui me plaît le moins, donc bah c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement la violence qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de la violence, hein, tout va bien quand même. Hein, mais voilà, c'est vrai que pallier à ça, c'est dur, oui. C'est dur. Sinon, il y a aussi tout ce qui régit l'établissement, les lois, toutes ces contraintes qu'on peut avoir par rapport aux écrits. Donc on a des comptes à rendre, donc, ce qui est normal, hein, mais c'est vrai que ça nous prend du temps sur le quotidien, sur la prise en charge. Donc c'est des temps où forcément on n'est pas forcément avec les enfants. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, on en a de plus en plus. Donc bon, là, peut-être que ça va s'améliorer avec le nouveau logiciel qu'on va avoir, le nouveau dispositif. Peut-être que ça nous laissera effectivement plus de temps. Ça sera peut-être plus clair. Donc à voir. Et puis, je rajouterais quand même ce qui me plaît le moins. Peut-être aussi... moi, j'aime le métier là aussi parce que on travaille en équipe. Mmh. On est une équipe, donc du coup, il faut composer avec tout le monde, avec la façon d'être de chacun, leurs humeurs, leur personnalité. Ouais. Comme moi, hein, je veux dire, un matin, je vais arriver, je serai peut-être moins en forme que la veille. Enfin, voilà, donc il faut réussir à composer avec tout ça. Donc, quelquefois, ça peut être compliqué, mais bon, je pense qu'on est tous des pros. Et, ouais, on s'adapte. On s'adapte. De toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est ça, tout à fait. Et puis, il faut se dire que voilà, que c'est une petite partie de notre vie, ça, le travail. Hein, ah oui. Malgré que, bon, c'est moyenne de 7-8 heures, mais il y a d'autres choses après ça, quoi. Après, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je pense qu'il faut être bien dans sa vie personnelle pour être bien au travail, parce que même si on sait qu'on ne doit pas ramener l'un chez l'autre et l'autre chez... Enfin, ouais. Je pense que c'est important aussi d'être bien au travail pour être bien à la maison, pour rentrer sereinement. Donc, c'est un tout. Je pense qu'il faut donner de soi et savoir aussi faire la part des choses, c'est sûr. Mais voilà, être bien dans les deux cas, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien, Sandrine. Bon commentaire. Vous avez tout compris? Ouais. OK. Alors, et puis, la petite dernière, qu'est-ce qui t'anime dans ton travail? Qu'est-ce qui m'anime? Eh bien, les enfants, les petites choses de la vie quotidienne, les petits progrès quotidiens, parfois même infimes, hein, qui peuvent être travaillées tout au long de l'année et puis avoir le résultat à la fin de l'année, de se dire, bon, bah là, ça y est, l'objectif là, il est atteint, il en est là, il a réussi à faire ça, donc on peut voir plus loin. Donc, c'est des petites choses ou un petit mot dit que, voilà, un enfant qui ne parlait pas, qui arrive à faire une demande. Ça peut être des choses vraiment très simples, mais qui font que je me lève tous les matins pour aller au travail. Il y a toujours des petites choses positives à trouver. Ah oui, tout le temps. En chacun, voilà, même si... Il ne doit pas être négatif, il faut toujours jamais, être positif. Jamais. Et puis chacun est différent, chacun avec son histoire de vie, ses problèmes, et puis toutes ses capacités aussi. Donc c'est ça qui m'anime, parce que chaque enfant est différent, chaque jour est différent, et vous nous en apprenez plein, même si c'est au départ nous qui sommes là pour vous, vous êtes là aussi pour nous, et vous nous apprenez plein de choses. Voilà. Non. Eh bien, Sandrine, il faut rendre l'antenne. Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation. C'était super. Merci. Depuis le temps que j'entends parler de Radio Game Oiseau. Donc, l'équipe est accueillante, sympathique. Et puis, vous, les jeunes, bravo. Super. Je suis fière de vous, hein. Franchement, bravo. Bravo, Corinne. C'est une belle émission. Écoutez, on remercie Sandrine d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci, nous Sandrine. Nous rendons l'antenne. Nous saluons nos auditeurs. Et au à la semaine prochaine avec Elena. Au revoir. Au revoir. La petite Noé.